trouve que... Ça va? Entendez-vous en arrière? Moi, j'ai rien touché. En anglais? Faut pas penser, même. Ça va être une conférence électrisante. Ça? Probablement ce que ça voulait dire. Alors, le titre de la conférence ce soir, c'est... C'est ça, fais attention. Passe par-dessus ce morceau. Les lois du contact avec l'esprit? Ah, ça va. Est-ce que c'est ça qu'on vient de faire? Les lois du contact avec l'esprit. On va donc voir une série de lois. D'ailleurs, le thème mensuel, c'est sur des lois. Est-ce que vous entendez bien en arrière? C'est ce que je pensais. Je peux soit... Si je m'avance... Avancez-vous! Avancez-vous un peu. Ça va mieux comme ça? D'accord. Donc, le titre de la conférence, pour ceux qui sont en arrière, c'est les lois du contact avec l'esprit. C'est trop près. Bon. Ça va? Commençons. Qu'est-ce que c'est un esprit? Pour qu'on prenne un contact avec un esprit. Oui, c'est ça. On va commencer par définir ce que c'est qu'un esprit, puis ce que n'est pas un esprit, de façon à ce qu'on puisse savoir avec quel genre d'esprit on devrait prendre contact. Dans l'astral, dans la vision terrestre de l'évolution, on connaît l'esprit, on connaît les esprits, on parle de fantômes souvent, et il y a effectivement des lois qui nous peuvent nous permettre d'entrer en contact avec des esprits, donc avec des fantômes. Ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on peut même, il y a même des lois dans l'astral qui nous permettent d'entrer en contact avec notre propre esprit, c'est-à-dire notre propre fantôme. Mais ça, on n'en parlera pas ce soir, c'est pas de ce genre d'esprit-là que je veux parler. Mais on peut effectivement rencontrer notre propre fantôme. Bon. Alors, un jour, je t'expliquerai ça. Est-ce que c'est un esprit ou est-ce que c'est... C'est un fantôme, mais dans le langage populaire, on parle aussi d'esprit. Et c'est pourquoi il faut faire attention, parce qu'on a le terme spiritualité. Spiritualité, c'est l'évolution de l'esprit. Mais on a aussi le terme spirit et spiritis, entrer en contact avec les morts, avec les fantômes. Alors moi, je parle souvent d'espiritualité lorsque je veux parler d'un contact avec l'esprit, parce que, étant galvaudé, le terme spiritualité finit aussi par nous amener à entrer en contact avec le monde de la mort, avec le monde des mémoires, avec le passé. On a beaucoup de spiritualistes qui sont en contact avec des maîtres du passé, des maîtres qui sont morts. Et quand on parle d'espiritualité, on parlera d'une façon plus claire d'un contact avec de l'esprit, et avec de l'esprit saint, c'est-à-dire avec un esprit pur qui n'est pas coloré par l'expérience de l'homme, qui n'est pas coloré par les désirs, par les peurs, par les mémoires, par les émotions humaines. On parlera donc d'un esprit qui est libre, qui est pur. Dans l'ancienne étymologie, dans les théologies traditionnelles, on parle de l'esprit saint. Et on fait souvent référence aussi à des paroles laissées par le Nazaréen, dont l'une est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton corps, de toute ton âme, de tout ton esprit. » Et on doit encore faire une référence un peu, on doit regarder. L'esprit est à l'extrémité de la parole. « Tu aimeras donc de tout ton corps, de tout ton âme, de tout ton esprit. » Toutes les religions ou à peu près privilégient surtout l'expérience de l'âme. Alors on va dire « C'est important que vous sauviez vos âmes. » Et par contre, si vous dites « Ah, mon âme, elle est sauvée », on va dire « Il fait de l'esprit bon. ». Le mot « esprit » est très bas. Alors, ou bien l'esprit est au départ, c'est ce qu'il y a de plus bas, l'âme au milieu et le cœur est ce qu'il y a de mieux. Ou bien le cœur est ce qu'il y a de plus bas, l'âme reste au milieu et l'esprit, c'est ce qu'il y a de mieux. Étant donné que l'être humain est manipulé dans l'âme, dans l'astral, la majorité de tout ce qui manipule l'humain dans son cheminement évolutif, fait en sorte que l'homme mette le maximum d'énergie, le maximum de temps sur la seule partie qui constitue l'humain qui n'évolue pas, l'âme. L'âme, ça mémorise, ça apprend, ça comprend jamais. C'est pourquoi les Romains avaient une âme comme les nôtres. Ils avaient peur, s'ennuyaient, faisaient des orgies, se distrayaient, se jalousaient, et ils s'aimaient, ils se détestaient, ils se faisaient la guerre. Au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, il y a des personnages relativement importants qui sont passés, et du point de vue de l'âme, ils n'ont jamais rien changé. Par contre, au niveau de l'esprit, ça bouge, ouais. Et au niveau du corps. On a souvent tendance à penser aussi, lorsqu'on entend parler de l'esprit, que c'est la même chose que l'âme. Parce que quand tu faisais référence tantôt aux esprits disparus, ou si on fait appel à des fantômes, c'est plutôt l'âme que l'esprit. Oui, c'est l'âme des disparus, ce n'est pas leur esprit. L'esprit, ça évolue. Comment un esprit évolue? Un esprit, ça évolue lorsque ça se rapproche de l'homme. L'homme, ça évolue. Comment l'homme évolue-t-il? L'homme, ça évolue lorsque ça se rapproche de l'esprit. Lorsque l'être humain est dans son âme, ce qui est un peu entre les deux, l'âme, c'est quelque chose qui permet à l'esprit d'avoir une forme de corps physique, en attendant. Et l'âme, c'est ce qui permet à l'homme d'avoir une sorte d'esprit, en attendant. Mais l'âme n'est ni une ni l'autre. C'est un intermédiaire entre les deux, c'est un intermédiaire. Et c'est pourquoi on parlera souvent de médium. Est-ce que l'âme est le contact entre le corps et l'esprit? Non, l'âme, c'est ce qui va permettre à l'esprit de rester près de l'humain. Tant que l'humain n'est pas capable d'entrer en contact avec l'esprit, et l'âme, c'est ce qui va animer le corps physique, permettre la vie, permettre la reproduction, permettre aussi l'évolution physique par l'expression émotive dans le corps physique, ce qui va engendrer la spiritualité émotive. Et progressivement, il y aura l'épanouissement d'une faculté nouvelle qui sera l'intellect. Par la suite, l'intellect va devenir le mental. Et le mental va, lui, être capable de vivre ce que plusieurs personnes ont déjà connu et ce que d'autres vont connaître, l'écœurement de l'écœurement. Et à un moment donné, le mental finit par devenir supramental, c'est-à-dire que là, l'être humain a un contact avec l'esprit. Et lorsqu'il a un contact avec l'esprit, il voit les choses d'une façon neuve. Et voyant les choses d'une façon neuve, il va commencer à détruire les mémoires chez lui. Et quand je parle de mémoire, ce n'est pas votre adresse. Ça peut arriver qu'on perd, on ne sait plus ce qu'on reste, parce qu'il y a des mutations neuroniques, il y a des petites choses qui changent dans le cerveau, puis à un moment donné, ben, si vous cessez de chercher la réponse, ça va revenir. Mais quand je parle de détruire la mémoire, je parle de détruire la tradition. Alors, traditionnellement, on se plaint quand il fait froid ou quand il fait chaud, ou quand il fait beau ou quand il fait pas beau, on se plaint. Bon, traditionnellement, on souffre d'aimer. Traditionnellement, on croit en un Dieu, puis on a peur du Dieu, et puis on peut trouver qu'il est peut-être injuste. Et puis, bon, il y a plein de traditions. Le contact avec l'esprit, la première chose qu'il va faire, que le contact va faire, c'est de détruire, transformer des mémoires pour rendre l'humain libre du passé. Vous voyez, il y a deux différentes façons d'évoluer. Dans l'ère du poisson, aller plus loin dans le passé, donc du passé jusqu'à l'ère du poisson, c'est-à-dire jusqu'à l'an 1967, et ça s'étire parce que les transitions entre les ères sont toujours un peu vagues. Ça va jusqu'à l'an 2013. Dans cette transition, disons, à partir de l'ère du poisson descendant, l'humain devait évoluer uniquement à reculons. C'est-à-dire que l'humain reculait. Alors, reculant, l'humain, il ne voit jamais où il va, ce qui va créer l'insécurité dans son cheminement, parce qu'il ne sait jamais où il va. Alors, on lui dit, en arrière, c'est le paradis. « Mais je peux-tu regarder? » Non. Parce que quand tu tournes la tête, le paradis tourne aussi, tu sais. Tu n'as rien à faire. Bon. Alors, tu ne verras pas. C'est là qu'a inventé le miroir. Ça, même là, ça ne fonctionne pas. Tu te vois, tu te regardes, tu te trouves beau, puis tu passes, tu es déjà rendu. Bon. Alors, ce qui arrive, parce que le miroir te fait voir toi et le paysage, là, tu penses être dedans. Alors, ce qui arrive, c'est que donc, dans l'ère du poisson, elle est antérieurement, l'homme, la femme, l'enfant, évolue à reculons. Alors, il ne voit pas où il va, donc tout ce qui est nouveau, tout ce qui est neuf, il ne peut pas le connaître. Il ne peut pas le savoir. Il doit l'expérimenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un chemin, un tapis de couleurs. Vous reculez sur le tapis de couleurs. On dit vous avancez à reculons, parce qu'on chemine. C'est quoi la couleur en avant? Je ne sais pas. Et subitement, vous pilez dessus, et là, vous voyez qu'elle passe. Ah, c'était bleu! L'être humain, c'est toujours ce qu'il a fait. Et parce qu'il avance à reculons, il voit le passé, il voit la mémoire, il voit les traditions. Alors il se dit, lui là-bas, Moïse, Abraham, Krishna, Moroni et d'autres, lui, quand il reculait, il a fait telle chose, ça a fonctionné. Alors on se dit, je vais faire la même chose. Oui, mais on n'est pas sur son morceau de tapis. Puis on n'est pas dans la même ère d'évolution humanitaire. Puis on n'est pas à la même place. Puis on a subi, bénéfiquement en majorité, les résultats de son travail à l'autre là-bas, de leur évolution. Donc, dans l'ère du poisson, 2800 années, grosso modo, on recule, et on ne sait jamais où on va. De ce fait, l'humain se pose des questions, il veut savoir où il va. Quel est le rôle cosmique de l'humain? Quel est mon rôle, moi, ici? Qu'est-ce que l'esprit? À quoi ça va servir d'avoir un contact? Comment l'astral peut venir me récupérer, me charrier? Vous savez, quand vous vous dites, ça y est, je suis sur le rouge, Mais maintenant, je suis rendu. Je le sais. C'est vrai, t'es peut-être rendu sur le rouge. Peut-être que c'est la dernière couleur. Là, tu recules, tu te dis là, je suis correct. Tu recules. Ce que tu sais pas, c'est que maintenant, il y a des marches en arrière. Parang, tu remontes ici. Et voilà, tu vas te faire avoir. Et là, tu commences à monter les marches, finalement, tu te dis là, j'ai tout compris. À un moment donné, ça monte plus. Fait que quand tu essaies de faire une marche de plus, tu vas voir, c'était une surprise. On arrive. On arrive à quoi? On arrive à une ère nouvelle. Pas parce que le soleil rentre dans l'ère du Verseau, ça, on n'a rien à faire. On arrive dans une ère nouvelle parce que l'humain change. Parce que l'humain, on l'a vu un peu, l'animal sait des choses, l'humain sait qu'il sait des choses. Puis le conscientisé, lui, il sait qu'il sait des choses. On arrive dans une ère d'épanouissement où l'être humain va avoir un contact avec son esprit. Et là, c'est évident que pour celui qui marche à reculons, il ne peut pas voir l'autre côté. Mais l'évolution espritique, l'espiritualisation, qu'est-ce que c'est? C'est l'obligation, à un moment donné, d'être désassujetti des lois qui vous ont toujours forcé à reculer. Donc, à voir d'où vous veniez, mais jamais savoir où vous alliez. Et là, progressivement, on doit tourner pour commencer à voir où on va aller. Et on appelle cela l'initiation solaire. On l'a vu un peu la semaine dernière. C'est-à-dire que là, on voyait toujours l'ombre du soleil à travers tout ce que nous vivions. Alors, on voyait en deux dimensions ce que le soleil faisait. On connaissait le paysage en arrière de nous, en avant dans notre cheminement, uniquement en fonction de leurs ombres. Et là, préparé par l'ombre, lorsqu'on arrivait devant l'objet, on était prêt, on disait, « Ah ben, c'est correct, ça va avec l'ombre. » Mais là, progressivement, on commence à tourner, et le contact avec l'esprit, c'est ça. L'humain va tourner complètement, il va être totalement exposé au futur, au neuf, aux choses qui ne font pas partie du passé. À ce moment-là, tu ne verras plus ce qui était en arrière ou en avant, là, c'est les mémoires, où tu ne verras pas d'où tu arrives, tu vas voir seulement où tu t'en vas. De ce fait, on dira que l'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau, perdra tous ses mémoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il se rappellera de l'avenir, mais ne pourra plus se rappeler du passé. Ça veut dire que dans sa conscience, il verra en avant, il ne pourra pas voir en arrière. Mais le contact avec l'esprit permet une plurilocation de conscience. Ça permet à l'être humain d'être dans sa conscience à plusieurs places en même temps. Techniquement parlant, ça permet à l'humain d'être omniprésent. On pourra y revenir un peu plus loin. Donc, progressivement, le contact avec l'esprit, c'est que l'humain tourne, mais là, le paysage ne bouge plus, lui. Il est cloué. Souffrance. Alors, lentement, l'humain tourne et subitement, il va voir un peu de neuf, un peu de vieux. Période de transition, l'adolescence de votre évolution. Et là, c'est terrible. C'est terrible parce qu'on ne sait plus... On n'a jamais tourné. Chaque fois qu'on a voulu tourner, le paysage tournait, ce qui fait qu'on ne tournait pas. Alors, à un moment donné, on commence à tourner. Et puis là, on arrête, on arrive dans une jonction où on voit le neuf, où on voit le vieux. Ça ne tourne pas vite parce que nos corps ne sont pas assez solides. Il faut se laisser le temps. Et là, subitement, on ne sait plus quelle barre, qu'on continue à tourner. Et là, si on veut revenir, si on n'aime pas le paysage, on ne sait même plus. On peut pas. Es-tu à gauche ou à droite qu'il faut que je revienne? Ou qu'il faut que je continue? Et ça crée un stress terrible qui va être atténué par le contact avec l'esprit. Et pourquoi il y a ce stress? Uniquement parce que c'est essentiel que l'être humain, dans sa rotation, finissent par être placé dans un point tel où il ne verra pas tout à fait le futur, où il ne verra plus tout à fait le passé. Autrement dit, vous ne verrez pas le passé sous le même angle. Vous ne serez plus traditionnaliste. C'est-à-dire, c'est certainement que Moïse a vécu. Je le vibre. Oui, mais pourquoi tu l'adores pas, Moïse? Je n'ai pas à l'adorer, Moïse. Mais est-ce que tu crois que Moïse? Je ne crois même plus rien. Je sais. Et je sais que l'importance des choses n'a pas d'importance, mais que c'est utile. Alors, progressivement, tu tournes, et là, il vient un temps génial. Un temps où l'être humain peut entrer en contact avec son esprit, c'est-à-dire entrer en contact avec ce qu'il est lui. Et là, comprenons ceci. Vous êtes tous la concaténation. Hein? Vous êtes tous l'accumulation de votre passé. Votre corps physique vient du passé. Votre âme, votre ego, notre société, tout ce que nous faisons, notre façon de voir le monde, c'est tout le passé au complet jusqu'à maintenant, réuni en même temps. Mais là, progressivement, l'humain va voir l'avenir, il va commencer à réincarner de l'avenir, et il va donc avoir la capacité de retrouver ce qu'il sera, ce qu'il a été et ce qu'il est. C'est la première définition du mot esprit, être ici et maintenant. Mais ici et maintenant ne veut pas dire abstraction de l'avant et de l'arrière. Ça veut dire imprégnation dans l'avant et dans l'arrière. Plus de problème. On cherche plus, on est. Bon. Est-ce que c'est dû au fait que pour l'esprit, il n'y a pas de temps, que l'instantané de l'esprit, c'est en même temps le passé, le futur, le présent, etc.? Absolument. Bon, c'est l'étape immortelle. Par la suite va venir l'étape éternelle. Et finalement, l'étape intemporelle. Il y a des choses qui sont possibles. Je pars juste un peu là-dessus. On va arriver aux lois, mais c'est important de comprendre. D'ailleurs, à travers ce que je vous explique là, il y a déjà plusieurs lois qui vont être plus faciles à comprendre. Mon minimum, c'est beau de savoir les lois. C'est important aussi de savoir à quoi ça sert. Il y a une chose importante et intéressante, c'est qu'il y a plusieurs humains. Et là, faites attention. Vous ne pouvez pas vous regarder dans un miroir pour savoir si c'est de vous que je parle ou non. L'être humain dans l'évolution n'est pas reconnaissable à ses fruits. Dans l'ère du poisson, on connaissait un humain à ses actions. Dans l'ère du Verseau, dans l'ère nouvelle, du point de vue chronologique, on parlera de l'ère du Verseau. Dans la transition, on ne reconnaîtra pas un homme, une femme ou un enfant dans son évolution en fonction de ses actions, de ses fruits. Alors, à un moment donné, vous allez dire, je suis malade, je suis âgé, quel que soit l'âge, ça dépend comment on voit ça. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai jamais rien fait de particulier. Je ne suis pas reconnu ou connu. Alors, comment puis-je penser que dans un an, deux ans, trois ans, je vais peut-être faire partie de l'ère nouvelle, moi? Pauvre petit moi. Vous ne savez rien de ce que vous êtes. La majorité, vous ignorez totalement. Alors, on ne peut pas se regarder son entourage, regarder ce qu'on est pour savoir... Si ça fait 20 ans, je vais arrêter de fumer. Même pas capable. Puis là, je m'imagine que on vous fait peut-être fumer pour vous terrestrifier. Parce que quand vous ne fumez pas, vous avez une dose d'énergie juste trop haute qui fait que vous décollez du sol. Vous n'êtes plus capable d'être suffisamment humain. En fumant, vous baissez un peu en vibration. Vous êtes capable de continuer à vivre malgré les conditions extérieures, malgré les stress. Il y a bien des raisons. Toi, faut t'arrêter quand même de fumer, là. Il est temps. J'étais en train de m'en servir comme excuse, là. Non, il est temps. Je l'ai dit, ça fait 2 ans, ah, là. Okay. Je suis assez terrestrifié maintenant. C'est ça. Là, maintenant, t'es capable d'aller chercher haut pour rester en bas. Alors, il arrive ceci dans l'évolution, donc, et ça peut être vécu par plusieurs personnes ici présentes. L'humain bifurque, il est entre les deux. Entre l'avenir et le futur. Ouais. Entre l'avenir et le passé. Je vais voir qui c'est qui dormait, mais ça dormait pas mal. Bon. Et puis, il arrive qu'il y aura des êtres humains qui, à ce moment-là, je le dis simplement parce que ça fait partie de l'explication, ça communique un peu d'énergie aussi, puis c'est bon d'avoir des petites choses, mais ne pensez pas subitement que c'est ça que vous faites. Quand vous allez le faire, si vous le faites, vous n'aurez pas besoin de penser que c'est ça que vous faites. Vous allez voir. Entre les deux, l'humain a la capacité de quitter totalement la structure évolutionnaire prescrite et prévue, courber l'espace-temps pour se retrouver quelques années plus tard. Alors que la majorité des personnes, dans le contact avec l'esprit, vont continuer à pivoter après des hésitations, des petits hoquets, des petites rechutes, ils vont continuer à pivoter et vont se retrouver vers un avenir. Il y a les êtres humains qui vont se tourner vers le passé. C'est ceux qui vont vivre un apocalypse. Eux, on va leur donner l'énergie qui leur manque. Ils vont tourner 40 fois. Puis à un moment donné, il y aura juste quelque chose d'intéressant. Ils vont finir par arrêter dans l'avenir. Alors que ceux qui se conscientisent, les êtres humains facilement conscientisables, puis comment on sait qu'on se conscientise? Si on est capable d'accepter des choses neuves, on se conscientise. Ça ne veut pas dire qu'on comprend tout ce que je dis. D'ailleurs, même moi, j'ai la difficulté des fois. Ça ne veut non plus pas dire qu'on me suit. Ça veut dire, est-ce qu'on est capable d'accepter des choses neuves? Et surtout, est-ce qu'on est capable d'intelligencer? Intelligencer veut dire mettre de l'intelligence dans notre vie. Tu te lèves, il pleut, tu chiales, puis subitement, tu trouves ça niaiseux de chialer quand il pleut. C'est conscientisable. Les deux caries, Rien à voir. C'est conscientisable. Bon. Donc, l'être humain qui va lentement bifurquer, là, l'être humain va finir par avoir un contact très limpide avec lui-même. Ça, on ne le choisit pas non plus. Quand est-ce qu'on choisit quelque chose sur la planète? C'est ça. Tu as toujours dit qu'on ne choisissait rien. Donc, on se fait tourner. On ne tourne pas pour s'en aller vers l'intelligence. Mais non, on ne se fait pas tourner, on tourne. On tourne, OK. Bon, mais j'ai pas dit qu'on se fait tourner. On est sur une table tournante, puis on tourne. Mais non, on se tourne pas les pieds, c'est la Terre qui tourne. Non, présentement, tout le temps, ce qui arrivait, c'est que la table tournait avec nous. Là, maintenant, la table, elle va cesser de tourner, et nous continuons. Ou c'était mieux, la table continue à tourner, nous, on arrête. Mais nous, on tourne par rapport à la table. Bon, mélange pas tout. OK. Mais on le décide pas pareil. Mais oui, on peut le décider. Qu'on peut décider qu'on évolue. On peut décider qu'on tourne ou qu'on évolue. Absolument. Oui. Comment on fait ça? Ben, tu décides. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Ah, okay. Tu te demandes si on peut décider. Okay. Je dis, oui, on peut décider. OK. Ça ne donnera rien. Ben, non, ben, ça ne donnera rien. Fait que, bon, on peut décider. On peut décider qu'on vole. On peut décider. Vous pouvez décider que vous volez. Bon, alors voilà, tu peux décider. Est-ce qu'on peut se placer dans un contexte qui va favoriser? Les lois du contact avec l'esprit, les voici. Et ça va faire en sorte que l'être humain se ramasse... C'est-à-dire que c'est juste seulement une question de clé. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il manque des clés, le mot clé est spiritualisé, disons, des pneus. Hein? Si vous manque des pneus, il vous manque des éléments pour bouger. Alors, quand on prend de l'information, l'information, la vie nous en amène. Quand vous discutez avec moi, avec vous-même ou avec d'autres, parce qu'il y en a qui sont rendus au point qui discutent avec eux autres, vous ramassez encore des pneus. Et à un moment donné, on a suffisamment de pneus que la balance penche. L'information que vous prenez en conférence, dans des livres, au cinéma et dans la vie, c'est des voiles. Vous hissez les voiles. C'est sûr que le bateau est manipulé par le vent, officiel. Sauf que c'est uniquement le gréement qui... Le gréement, c'est toute l'armature qui sert de voilier. Bien, évidemment, il y a beau venter fort, vous allez aller à certaines places. Hein? Vous pouvez même dériver vers des récifs. À un moment donné, vous allez monter un phoque. Ça, c'est une expression québécoise qui veut dire « ça va mal ». Bon. Alors, on monte un phoque. Bon. Hein, on dit « phoque ». Bon. Alors, on monte un phoque. Mais vu qu'on monte un phoque, le phoque, c'est une voile qui va en avant du bateau. Alors, le vent soufflant de travers, ben on est dévié. Puis là, on a beau avoir un gouvernail, ça ne sert à rien. Le gouvernail, vous savez, c'est un petit bout de planche. Comparativement à un phoque, le vent va nous amener où ce qu'on ne veut pas aller. Mais là, subitement, disons qu'on a un ketch. C'est un bateau à deux mâts. Et puis, on va décider qu'on lève la voile d'Artimon, la mât en arrière. Alors, lorsqu'on lève la voile d'Artimon, bien là, on commence à équilibrer le bateau. Mais là, on est peut-être déjà mal pris. On est tout près des récifs. L'information qu'on ramasse, c'est des voiles. L'astral, ça souffle. On peut manipuler le manipulateur, ça veut dire quoi? Connaître les lois de l'évolution pour s'en servir. Alors, on approche des côtes, on approche des récifs. On a deux voiles de levée, on n'a pas assez de vitesse. À un moment donné, on va trinquer. On va se dire, « Hey, j'ai bien évolué, là. » Alors, on lève la trinquette. Bon, ça, c'est un deuxième phoque, bon, qui est différent un peu, c'est une trinquette. On lève ça en avant. On commence à gagner de la vitesse, mais le voilier est encore décentré. Donc, on dérive encore vers la côte. Et là, à un moment donné, à grand renfort d'effort, il faudra s'atteler à lever la grand voile. Et là, on se dit, oh, pas à peine de l'élever, je l'ai déjà levé trois, puis ça n'a rien changé. C'est elle qu'il faut lever maintenant. Alors, subitement, ben voilà, on a peut-être des poulies, on a peut-être des cabestans. Bon, on s'arrange, on lève le grand voile au maximum. Et puis maintenant, on commence à prendre plus de vitesse et on se dirige droit vers les récifs. C'est épeurant. Un bateau à voile n'est pas contrôlable s'il n'atteint pas une certaine vitesse. Alors, on laisse le gouvernail droit. Autrement dit, on s'en va là, en plein ou ce qu'il ne faut pas. Pourquoi? Gagner de la vitesse. Dans l'évolution, on appelle cela se réchauffer, gagner de l'énergie. À tout bout de champ, ouais, j'évolue, mais là, ça va mal plus. Là, tu tournes le gouvernail, puis tu te ralentis. Tu perds de l'énergie, puis tu t'en vas droit dans le récif. Quand tu arrives à 2-3 nœuds, alors tu accélères progressivement, le voilier arrive à, mettons, 5-6 nœuds, et là, subitement, la dérive commence à fonctionner, le bateau est dirigeable. On tourne un peu la barre à roue. On tourne légèrement le gouvernail, pas trop. Pourquoi pas trop? Pour ne pas freiner le bateau. On tourne légèrement, puis on commence à se rendre compte que ça fonctionne. Et là, maintenant, tu passes dans l'ère nouvelle. Et là, maintenant, tu as un contact avec ton esprit, ce qui fait que maintenant, tu as une liberté pleine dans ta conscience qui aura progressivement la capacité, pas de libre arbitre, non, mais de se diriger à travers la mécanique terrestre. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que maintenant, tu peux remonter le vent en louvoyant que tu peux faire changer l'ordre du vent. Mais par contre, tu vas jouer à l'intérieur, tu vas commencer à fonctionner. L'être humain qui ramasse de l'information, c'est un être humain qui lève des voiles, qui tisse des voiles puis qui lève les voiles. L'esprit, c'est... Est-ce que c'est une loi du contact avec l'esprit que d'accumuler l'information? De ramasser le plus d'énergie? Finalement, c'est de l'énergie ou de l'information, c'est... Eh oui. L'astral, c'est de l'énergie, donc le vent, c'est de l'énergie. Si on est capable de se servir de l'énergie astrale, on parvient à se servir de la forme, eh bien maintenant, on est correct. On ne peut pas maudire le passé, maudire nos traditions. Ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, on doit être libéré des traditions, ne plus être l'esclave de la tradition. Et toute cette mécanique énergétique, elle va servir. Les lois du contact avec l'esprit, maintenant qu'on sait un peu plus où on va, enfin un peu. Première chose, l'humain doit être vivant. Je reviens souvent sur cette loi-là, c'est important. Vivant dans le sens vie. Présent, capable de bouger un corps physique. L'humain évolue lorsque le corps physique est animé. Est-ce que lorsqu'on est vivant, on est en contact avec l'esprit? Lorsqu'on est vivant, souvent l'esprit est en contact avec nous. Mais rares sont les humains qui sont en contact avec l'esprit. Bien que l'esprit soit en contact avec eux. C'est quoi la différence? La différence, c'est que l'esprit sait que tu es là, puis toi, tu ne sais pas qu'elle est là. Alors, à un moment donné, bien, on est inquiet, on ne comprend pas trop, on chiale, on vit la structure typique de l'animal humain, parce que tu ne sais pas que tu es que l'esprit là. Mais l'esprit sait que l'humain est là. Donc, deuxième loi du contact avec l'esprit, on pourra les définir un petit peu après. La dernière fois, il y avait plusieurs centaines de lois, je n'ai pas eu le temps de toutes les énumérer, alors on va prendre un peu d'avance, il y en a un petit peu moins pour l'esprit. La deuxième loi, c'est que l'être humain doit conserver de l'énergie, donc l'être humain doit se réchauffer. Se réchauffer, ça se fait par la parole. Mais on doit se réchauffer, mais on doit aussi ne pas perdre d'énergie. De ce fait, l'être humain doit, si je résume, comment on ne perd pas d'énergie, si je résume. Premièrement, on doit nécessairement cesser de se faire têter notre énergie par tout le monde. Bon, c'est une bonne chose. Alors, il y a des personnes qui vont dire « Ouais, mais ça, c'est comme devenir mental, puis quand tu es mental, tu deviens sauvage. » Non, c'est pas ça. C'est exactement comme si je ne peux plus communiquer de pétrole brut. Je ne peux communiquer que du pétrole raffiné. Alors, si vous voulez jaser avec moi, vous devez monter au niveau du raffinage. Tant que vous êtes au niveau du brut, j'aurai l'air sauvage. Pourquoi? Parce que j'ai beau communiquer. C'est comme si je communiquais rien. L'autre ne capte pas. Mais ça, c'est du snobisme? De... Non. Astralement, ça peut être du snobisme. Mais une personne qui vient te voir, qui dit « Bonjour, Charles », toi, tu dis « Bonjour », puis énergétiquement, tu l'aplatis à terre, elle va trouver que tu es bête en maudit. Pourtant, tu... Il a dit « Bonjour ». Alors, tu ne peux pas continuellement t'ajuster. Parce que si on s'ajuste trop à notre entourage, on finit par se désajuster à nous. Et on ne peut pas faire ça. Tout notre entourage, inconsciemment ou consciemment, attend que quelqu'un finisse par aller tirer la cloche en haut pour ouvrir le robinet pour que ça nous tombe sa tête, un peu d'énergie. Mais comment tu fais pour savoir si c'est ajusté ou si c'est l'astral qui te manipule? L'expérience va faire en sorte que progressivement, de temps en temps, tu tapes sur le nez puis tu te rends compte, tu apprends. Mais c'est pas... L'idée n'est pas de savoir « Ah, je n'étais pas ajusté, j'aurais donc dû... » Non, l'idée c'était « Bon, ben prochaine fois, je serai. » Avance. En arrière, oublie ça. Tourne. Tout sera parfait. Donc, la deuxième loi, conserver de l'énergie. J'ai déjà parlé souvent en conférence de l'humour dans l'évolution. Il y a des personnes qui pensent que Daniel Kem, il est constamment en train de réfléchir. Je ne réfléchis jamais. Donc, en partant, il y en a d'ailleurs qui s'en servent pour essayer de me culpabiliser en me disant hey, « Tu réfléchis pas, toi? » Et moi, je suis tout fier de ça. Je me dis, au moins, ça paraît. Bon. On pense que je suis une personne qui, souvent on peut penser, une personne qui est toujours sérieuse. Et dans l'évolution, il faut être sérieux. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est qu'on doit vivre sérieusement, on ne doit jamais se prendre au sérieux, ce qui fait que dans l'évolution, c'est la même chose. C'est évident qu'à un moment donné, énergétiquement, on ne fera pas de farce, mais on n'est pas sérieux. On fait ça sérieusement. L'être humain doit s'amuser. Alors, pour résumer comment on ne perd pas trop d'énergie, on doit être joyeux. Pas heureux. Heureux, c'est un concept trop difficile à maintenir. Joyeux. Être heureux, souvent, pour l'humain, c'est quelque chose de mémoriel. Parce que le bonheur, soit dit pas l'horreur, le bonheur, hein, c'est être heureux. Je ne suis pas bonheur, je suis heureux, j'ai le bonheur, je n'ai pas l'horreur. Alors, quand on a le bonheur, souvent, c'est une question de temps. Êtes-vous heureux? Là, vous regardez hier, aujourd'hui, vous regardez. Êtes-vous joyeux? Ça, c'est instantané. Tu peux regarder ta montre, ça va, c'est le bonheur. Ouais. Ça, c'est le bonheur. Tu regardes ta montre, effectivement. Bon. Et bonne. C'est toujours le bonheur, c'est vrai, c'est toujours la relation avec comment on était hier, comment j'étais avant hier, est-ce que je suis plus heureux ou moins heureux, donc je suis dans le bonheur. C'est pourquoi on doit être joyeux, pas heureux. Heureux, laissez ça à ceux qui ont beaucoup de mémoire. Joyeux, c'est actuel, c'est instantané. Mais joyeux, c'est spontané. Êtes-vous heureux? Je ne sais pas. Es-tu joyeux? Tu peux répondre oui ou non. Ah, c'est immédiatement. Puis si, oui, ça fait 20 ans que je suis joyeux, on s'en balance. L'important, c'est pas que tu aies été joyeux pendant 20 ans, c'est que tu sois joyeux maintenant. Alors, il y a des personnes qui se disent « Ah, moi, être joyeux, tu sais, j'ai jamais été... » Mais on s'en fout! Joyeux, c'est instantané. Vous devez développer chez vous la capacité de vous amuser à vous faire battre. À vous faire rentrer dedans. On dit en québécois... Tu peux finir? Continue. Vous devez vous amuser, alors en québécois, à vous faire fourrer. L'astral, de toute façon, pendant la transition, vous allez vous perdre, vous allez faire des erreurs, vous allez ne plus comprendre, vous allez manquer votre coup, vous allez recommencer, et vous allez réussir. Or, ça ne vaut vraiment pas la peine de s'en faire. Donc, on doit apprendre à s'amuser. À un moment donné, tu te rends compte que tu t'es encore fait avoir. Mais c'est réellement comique, c'est réellement plaisant. Regardez ceci. Vous connaissez Pierre Richard? Bon, c'est un grand échalote. Bon. Alors, c'est un bonhomme. Quand on regarde les films de Pierre Richard, on se rend compte que c'est un grand épais qui est toujours en train de se faire avoir. Puis qu'est-ce qu'on fait quand on le regarde? On pleure pas, on rit. Pourquoi? Bon, on dit, oui, mais c'est drôle. Ouais. Mais si moi, je m'en vais dans l'astral puis que je vais voir de temps en temps comment vous réagissez quand vous avez une crevaison ou quand vous avez à peu près rien. Vous avez les lèvres sèches, là, c'est compliqué. Alors, on peut s'amuser en maudit. Pourquoi on rit du malheur des autres, puis on rit pas du nôtre? Pourquoi on n'arrête pas d'avoir du malheur, puis on pourrait rire? Toi, là, je te connais depuis combien d'années? Assez. J'ai ri! Si vous saviez. Oh. C'est vrai que c'est plus facile de rire du malheur des autres. Mais pourquoi on n'est pas capable plutôt d'arrêter d'avoir du malheur, on pourrait rire tout de suite? Ça, c'est une question d'ego. C'est comme, tu as une panne d'essence. Ou de survie. Non, moi, je ne survie même pas. Non, mais je veux dire, quand tu as le problème, là, tu trouves pas ça drôle. Quand tu as le problème, il faut que tu trouves ça drôle. Tu fais une crevaison sur le métropolitain, ça t'arrête. C'est comique, c'est comique. Très surtout comique. Surtout que la crevaison sur le métropolitain, normalement, on la fait sur la voie élevée. Hein? Où il n'y a pas d'accotement pour sortir. On a une panne d'essence ou sur un pont. Bon, hein, c'est sûr. Ben non, à moins 40 sous zéro. Pourquoi je dis que, premièrement, la question n'est pas de se poser la question « Est-ce que c'est drôle ou c'est pas drôle? » Si on rit du malheur des autres, c'est qu'en partant, c'est drôle. Bon, si on devient l'acteur, on rit plus. Mais là, on n'est pas correct. Pourquoi? Parce que probablement que le meilleur rôle que vous aurez jamais à jouer dans votre vie, vous êtes en train de le gâcher. C'est votre vie, d'ailleurs. Je le dis souvent, toutes les fois que l'humain a braillé, chialé, etc., puis a été malheureux dans le passé, on en reparle 10 ans après, puis on dit « Ah oui, on arrive aujourd'hui, mais à l'époque, c'était drôle de bord. » Si c'est drôle aujourd'hui, c'était drôle à l'époque. On doit s'arranger. Toi, t'étais peut-être pas drôle à l'époque. Tu comprends? Avec toi-même. La situation était drôle. Oui, puis toi là-dedans, c'était drôle. C'est un peu comme une farce. Quand vous comptez une farce, il faut toujours qu'on soit trois. Vous la comptez à quelqu'un, lui, elle comprend, puis il faut que l'autre, elle comprenne pas. Là, elle est bonne, la farce. Parce que tu peux rire de la farce, puis tu peux rire de l'autre. Tu comprends? Mm. Dans la vie, c'est un peu la même chose. Si tu n'apprends pas à rire de la vie, sois sûr que la vie va rire de toi. Garantie. Si la vie rit de toi et tu ris de la vie, au minimum, on va rire ensemble. Mais il y a un avantage à ça. Vous ne perdez plus d'énergie et vous ramassez de l'énergie. Vous allez être moins malade, être moins stressé. Résultat secondaire, banal. Utile, mais quand même. Mais en plus, vous allez aimer être présent dans votre contexte évolutif. Vous allez goûter des énergies que la majorité des humains n'arrivent pas à goûter. Chaque microseconde va devenir une dose, une injection d'énergie. Spirituellement, on appelle ça une leçon. Mais là, ce n'est pas une leçon dans le sens « m'a donné une leçon à toi ». Ça devient réellement une plaquette d'informations où on ramasse de l'énergie. Donc, on se dirige vers le contact avec notre esprit. Et c'est ce contact qui va faire en sorte qu'à un moment donné, on va être capable d'avoir hissé toutes les voiles puis sortir des tracas, tout en restant encore pendant un léger laps de temps dans un monde plein de tracas. Mais ce sera le tracas des autres. Bon. L'être humain, donc, deuxième loi, il doit se remplir d'énergie. Et pour cela, on doit être joyeux. Et pour être joyeux, on doit apprendre à rire. Et on doit apprendre à rire de tout. De soi, des autres, des événements, de Dieu, du diable, de tout. Imaginez que vous êtes une personne qui rit. Là, je ne parle pas d'une personne qui se détruit en riant. Le genre de personne qui... Hey, écoute, t'as peut-être un problème, toi. C'est toujours en train de se fuir en riant. Donc, je parle d'une personne qui s'amuse. Bon, qui joue? Hein? Quand on joue à un jeu, on ne peut pas tricher. Quand on s'amuse à un jeu, là, on est joyeux. Bon, c'est pas pareil. On doit s'amuser, on ne doit pas jouer. Jouer, c'est simuler. Et on doit être joyeux, pas être heureux. Être joyeux, être joyeux. C'est mieux. Le bonheur, on l'a vu, c'est trop mémoriel. Quand l'être humain vit cette deuxième loi, il se remplit d'énergie et rapidement, il commence à toucher royalement aux effluves de son esprit parce que l'être humain qui est joyeux commence à rayonner. Rayonner veut dire qu'il cesse de réfléchir. C'est pas l'énergie extérieure qui vient chez lui puis qui ressort parce qu'il ne l'a pas ramassé. Hein? Le miroir, là, lui, on va parler de lui. Ton miroir chez vous, il te trouve assez laid qui t'a renvoyé ton image. Bon. Je ne veux pas regarder. Ah non, absolument pas. On appelle ça réfléchir. Vous voyez, c'est ça réfléchir. Alors, quand on réfléchit, on ramasse pas grand-chose. Quand on commence à rayonner, ben là, c'est nous, au fin fond de nous, la petite étincelle qui commence à grandir, qui commence à sortir, et là, ce qui sort va en plus nous énergiser. On n'aura plus besoin de chauffer les pieds à côté d'un feu de bois, on va avoir un feu de bois dans les pieds. C'est pas sûr. Pas sûr que c'est plus confortable. Non, figurez. Vous savez, vous voyez venir. Parce que lui, il a déjà perdu ses bottes comme ça. Bon. Ouais. Mais. Le fait de rire de nos problèmes ou de s'amuser. C'est la troisième loi. Attends un petit peu. Le fait de s'amuser avec nos problèmes, est-ce que ça fait en sorte qu'il va en avoir moins? Non. Non, il va en avoir autant, mais ils vont être moins pénibles? Posons-nous la question. Si je m'amuse avec mes problèmes, il n'y aura pas moins. Ils ne sont pas à peine de m'amuser. Chialer avec tes problèmes, ça ne fait pas qu'il y en a moins non plus. Ils sont pas à peine de chialer. Bon. Tant qu'à être là, amusons-nous. Hein? Bon, maintenant, troisième loi. Quand tu auras un contact avec ton esprit, il y aura moins de problèmes. Puis quand tu seras en fusion avec ton esprit, avec ton dôme éthérique, il n'y aura plus de problèmes. Pour toi. Un or pour les autres? Ah non, pour toi en tout cas. Les autres, c'est autre chose. Bon. Troisième loi. La troisième loi pour parvenir à un contact avec son esprit, vous allez encore dire que c'est des lois qu'on a déjà vues. Il ne faut pas qu'on voit les lois, il faut qu'on les applique. C'est bon de les revoir. Le contact avec son esprit nécessite absolument une pureté de l'âme. Troisième loi. Pureté de l'âme. Comment on purifie un âme? Si on veut la sauver, est-ce qu'on peut la purifier? Comment on purifie une âme? Un âme. OK. Bon, les deux, ça ressemble des fois. L'âme, c'est un réceptacle. Ça accumule de la mémoire. À l'intérieur de cette mémoire va apparaître progressivement un virus. une copie conforme de notre conscience. Vous êtes tous envahis par un ver solitaire astral, par un ego. L'ego, c'est une mécanique qui essaie de jouer notre jeu, qui se prend au sérieux, qui se prend pour nous. L'ego, c'est quelque chose qui engendre l'orgueil. L'égocentricité, l'égoïsme, c'est ces choses-là. L'ego, ce n'est pas correct. C'est utile, mais c'est merdique. La purification de l'âme nécessite l'élimination de l'ego. Traditionnellement et spirituellement, on le sait depuis le début des temps, contrôler sa pensée, contrôler son animalité, contrôler ses bas instincts, contrôler sa colère, contrôler ses défauts, contrôler sa gêne. Et à un moment donné, on va plus loin. Contrôler ses désirs, contrôler ses effluves affectives. Même les bons côtés finissent par être sujets à des contrôles. Tout ça, c'est l'ego. On ne peut pas passer notre vie à travailler à contrôler une mécanique. On doit simplement contrôler le corps physique, contrôler le véhicule par lequel s'exprime l'ego, et on doit par la suite purifier l'ego. Mais quand tu dis « on doit purifier l'ego », on, c'est qui? Ben c'est toi. C'est l'esprit qui va purifier l'ego. Oui. Ça peut pas être l'ego qui désire se purifier elle-même. Parce que l'ego, t'as saigné les yeux pour penser ça. Oui, tu peux faire la croire à l'ego, puis l'ego va... Ça fonctionne pas. Mais l'ego est capable de se dire « Ah, faudrait que je m'en égoïse. Ah, faudrait que je sois plus heureux. Ouais, faudrait que je me détruise. » C'est ça. Non, mais... celui qui est modeste puis s'en vante, c'est un peu ça. Il y a deux parties d'ego qui luttent. Si c'est pas le cas, c'est que c'est l'esprit qui veut en égoïser, qui veut purifier l'âme. Le corps, rien à voir là-dedans. C'est qui, c'est le corps? Bon, c'est ça. Donc, c'est l'esprit. Parce qu'il dit, c'est pas le corps qui fait ça, mais c'est pas. Oui. Il arrive quoi? Tous les êtres humains ont déjà un contact avec leur esprit. La preuve, ils sont capables de parole. Donc, ils ont un contact avec une mécanique qu'on appelle un ajusteur de pensée, qui, lui, va progressivement ajuster la parole, qui, elle, va ajuster la pensée. Sauf que l'être humain a à peine conscience de son ajusteur de pensée, donc il a à peine conscience de cette effluve espritique. L'être humain qui s'en égoïse doit, nécessairement pour commencer la négoïsation, c'est la fonte de l'ego, la négoïsation, donc la purification de l'âme, une âme pure aura un contact avec son esprit. L'être humain qui veut commencer son anégoïsation, il est soit bizarrement et vachement manipulé, ou bien il a un contact déjà minime avec son esprit. Il se dirige vers l'intelligentiation et il sera donc mentalement capable d'en avoir ras-le-bol ou ras-l'âme de toutes les mécaniques de l'ego. La négoïsation ou la purification de l'âme, ça se fait comment? Ça se fait avec la deuxième loi et avec la première. Plus vous allez avoir la capacité de rire, de vous amuser et d'être joyeux de et dans votre vie, plus vous allez devenir anégoïque. Il y a des mécaniques, évidemment, il y a des techniques, il y a des structures qui peuvent permettre à un être humain d'aller plus rapidement. Mais si on va grosso modo au point de vue de la vie, un être humain qui est joyeux, un être humain qui prend le temps de s'amuser au travail, n'importe où, un être humain qui s'amuse, qui se plaît, un enfant qui a de l'expérience d'adulte, c'est ça, un adulte humain, hein? C'est pas un adulte. Cette personne-là, elle est tout près du contact avec son esprit. Elle est en contact, mais tout près de la conscientisation du contact. Parce qu'autrement, quand on se fâche, qu'on chiale après nos problèmes, bien là, à ce moment-là, on nourrit, on le grossit l'ego. On ne l'obsesse pas. Tu ne l'as vraiment plus. Imaginez qu'à un moment donné, il y a des personnes qui font ça. Vous avez un marteau. Vous avez un clou à planter. Alors, vous placez votre clou sur la planche, prenez votre marteau, 3-4 coups, paf, sur le pouce. Hein? Bon, il y en a qui reconnaissent leur voisin. Bon. Et là, vous imaginez que... 3-4 coups, t'es déjà généreux. Ah oui. Et là, vous regardez le marteau, puis « Maudit marteau! » Oui, on peut. Oui. Et là, vous continuez. Snack, crochet, le clou vient croche. « Maudit clou! Maudit camelote! Maudit marteau! » C'est comme ça que vous agissez chaque fois que vous chiolez. Contre le marteau, contre votre bouton, contre les poils de trop, contre la température, contre la crevaison. Même contre le voisin, il est manipulé, il est mécanique. Contre le gazon qui n'a pas poussé, contre les rosiers qui sont morts, contre la neige qui vient de geler, c'est la même chose. Quand est-ce que ça a changé quelque chose? Donne un coup sur le pouce, puis tu trouves ça drôle, ça ne changera pas grand-chose. Mais il y a une chose qui est évidente, c'est que vous, dans votre plan de vie, ça change tout votre avenir. Ça doit faire peur aux autres alentours, par exemple. Tu donnes un bon coup de marteau, tu pars d'aller. Tout le monde se pousse. Ma femme est habituée. Oui. Faut pas que je me frappe sur le pouce. Ah, vous ne prendrez pas non plus. J'ai... Non, je la laisse jouer avec le marteau. Mais il m'arrive souvent des trucs, des conneries. Puis je m'amuse. J'ai un plaisir fou. Ma mère, elle a eu des problèmes avec moi un petit peu. Elle pensait que j'étais fou, justement. Mais j'ai quitté la maison assez jeune. Alors ça, je l'ai quand même sauvé. T'as sauvé son âme. Ah oui, c'est ça. Mais maintenant, je la vois encore, puis elle ne comprend pas encore. Mais elle me dit, dis-moi, maman, que t'es heureux. Oh. Bon, ben, si t'es heureux comme ça. C'est ça, si t'es heureux comme ça, ben... Quand je la disais que c'était pour passer. S'amuser, c'est ça. La négoïsation va faire en sorte que l'humain va progressivement être de plus en plus joyeux. On parle pas d'une personne qui se promène sa rue en rien sans arrêt, là. Hein? Qui est adrénergisé puis qui a besoin d'aldol, de lobotomie. C'est pas ça. C'est drôle. C'est réellement drôle. Est-ce que tu sécrètes pas en énergie quand t'es... parce que tu choques pas quand quelque chose comme ça arrive? C'est les autres qui le font. C'est pas grave, m'en fous, que ce soit les autres, mais ce que je veux dire, énergétiquement, ça se perd pas. Fou? C'est même drôle! Énergétiquement, ça se perd pas. Il y a quelqu'un d'autre qui va sécréter. Si un créancier t'appelle pour te dire qu'il y a des problèmes... On vous saisit, tu pourras rire! Puis tu dis que c'est pas toi qui as un problème, c'est lui qui les a. C'est vrai qu'il les a. Là, lui, il rira pas. Mais non. Fait qu'il y a quelqu'un qui va sécréter en quelque part, il y a quelqu'un qui va... Oui, l'astral va être content quand même. C'est que c'est pas, il n'y a pas d'énergie de perdu. C'est non, juste que c'est pas toi qui l'a perdu. Sauf que ça, c'est pas important. L'important, c'est nous, là-dedans. Alors, je sais que c'est pas important, mais c'est comique. C'est encore plus drôle. Ben oui, si tu dis, c'est encore plus drôle. Ben oui, tu ris. C'est encore plus drôle. À un moment donné, j'étais en train de me baigner sur le bord de l'océan Pacifique. Et puis... Elle s'appelait comme ça jusqu'à temps qu'il y a. C'est ça, oui. Et pendant qu'on se baignait, eh bien, il y a un de mes amis qui subitement sort de l'océan avec un gros, gros, gros bloc de béton. Une grosse brique à ciment. D'habitude, il rentre dans l'océan avec un bloc. Oui, c'est ça. Alors, il sort son bloc de béton, puis là, il dit, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ah, ben, c'est ça. Il met le bloc sur la plage. Alors, on continue à se baigner. Puis là, il en ressortait. J'ai suggéré d'ouvrir une carrière. Il ramassait des blocs cassés, etc. Puis là, on était au Guatemala, il y avait des Guatemaltèques aussi qui ramenaient des blocs comme ça. Tout le monde chiolait. Moi, je chiolais pas, mais j'allais pas me baigner. Je me suis dit, me faites taper par un bloc, ça m'intéresse pas. Il y a des grosses vagues. Mais je trouve ça comique, amusant. Mon ami, lui aussi, il allait chercher des blocs, lui, par exemple. Puis, il s'amusait. Tout le monde qui était là chiolait. Pourquoi? Probablement qu'il y a eu un petit run quelque part où il y a eu des vagues, puis ça a ramassé des morceaux qui traînaient, puis là, ça les amenait, évidemment, c'était pas de la manne, ça là, les blocs de ciment. L'être humain, nous, tu t'es là, puis tu regardes tout le monde chioler, puis les blocs arrivent. Puis quelqu'un dit, oui, mais c'est pas drôle, après ça, il faut faire qu'on les ramasse. Exact. Mais, c'est pas broyant. Après ça, il va falloir qu'on les ramasse. Ce sera la même chose. C'est vraiment. J'ai été dans des situations perdu en pleine jungle avec un Australien. Et puis, c'était drôle de le voir aller. Au début, il fait chaud. Nous, gourdes, on était quelques personnes. Et puis, on y offre de l'eau, lui, il n'y avait rien. Il arrivait en souliers de course, puis il n'y avait rien. Bon. Oh non. Il nous connaît pas. Après 2 heures au soleil dans la jungle, en Amazonie, nous on boit. Lui, non, correct. Un grand, moi, pas grand, lui 6 pieds 4, lui correct. Bon. Et puis, à un moment donné, ben là, on est perdu. L'être jeune est perdu, donc on est perdu, parce que nous, on le suit. Et puis, totalement perdu, là, son ego a viré de bord. On voit un tassin tronc d'arbre en plein milieu d'une lagune pendant que l'autre, il essayait de sentir sa cabane. Hein? Alors, as-tu soif? Ah là, il avait soif. Ah là, il avait soif. Ah là, il avait faim. Ah là, il avait mal partout. Ah là, il était petit. Là, il cherchait un moment. C'était drôle. Imaginez, ça faisait des années qu'on rêvait de coucher dans le jeu. C'était l'occasion rêvée. Mais l'astral étant ce qu'il est, le guide s'est retrouvé pour ne pas coucher dans le jeu. C'était gâché. Parce que vous en riez? Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. J'ai monté avec un bonhomme qui a eu une crise de cœur, un chauffeur de taxi qui a eu une crise de cœur en montant dans les Andes. Alors, il a fallu que je l'embarque à côté puis que je conduise son taxi. Puis c'est une amanchure à colonne que tu démarres en touchant des fils puis tu fais attention à pas mettre tes pieds dans la rue. J'ai redescendu les Andes avec le gars pendant que le gars, il s'en remettait. C'est formidablement génial. Imaginez-vous en touriste au volant d'une affaire 1950. En tout cas, moi, je n'étais même pas en projet à l'époque où il a bâti l'auto. Bon. Puis, puis c'est bien. Puis là, il est en train de mourir à côté. C'est une légende. C'est génial. Puis là, tu te dis, s'il meurt là-dedans, qu'est-ce que je fais avec? Parce que là-bas, il va passer. Là. Alors, il ne meurt pas. Puis l'humain, il va s'arrêter. Ma mère est spécialiste là-dedans. Oui, mais ici, il serait mort. Qu'est-ce que tu aurais fait? Il n'est pas mort. Oui, mais ici, il n'est pas. Ici, mais il n'est pas. Oui, mais si c'est la mort, là. Je vais te présenter ma mère. Vous serez dans le club. C'est vrai que ta mère, j'aime bien. C'est très... Et là, on va dire, oui, mais M. Kian, vous n'avez peut-être jamais rien vécu de particulier. J'ai vécu des choses, probablement, que certains ici ont vécu et ça les a totalement terrassés. Puis des choses que plusieurs n'ont pas vécues. J'ai eu une vie formidablement géniale, absolument superbe. Ben, si tu appelles ça génial, avoir un chauffeur de taxi qui fait un infarctus à côté de toi, c'est génial. Ah, mais j'ai eu pire que ça. Mais n'empêche, ça reste comique quand tu vois toute la mécanique au complet. Donc, continuons. Quatrième loi. Amusez-vous, c'est important. Parce que sinon, vous allez brûler la vie par les deux bouts. Puis rendu à la fin, il va rester que des cendres. La mémoire brûlée de ce que vous avez été. C'est pas génial. On ne crée rien dans le monde de la mort, on ne crée pas de double utérique dans le plan moronciel, on n'a pas de contact avec l'esprit, on ne garantit pas notre immortalité de conscience, et finalement, on ne va pas nulle part. Oui, on va quelque part, dans le monde de la mort, puis après ça, on est recatapulté sur la planète Terre, boum, d'un corps de bébé, puis là, on se fait changer nos couches à mauvaise heure, ils nous nourrissent avec ce qu'on veut pas, puis on recommence encore une vie. Bon, à un moment donné, il faut qu'on bouge quelque chose. On a choisi nos couches, au moins. Oui, là, oui, au minimum. Ou encore décider qu'on vient au monde dans la salle à épouvante à fœtus, ou ben non, ailleurs. Bon, mais du moins, c'est salle d'accouchement. La quatrième loi, c'est d'être capable de savoir ce que c'est qu'un anti-vivifi nasari perturbateur en papier. Un Kleenex. Un Kleenex. C'est ça. La quatrième loi. C'était évident, ça? La quatrième loi, c'est d'être capable de s'autoriser et de tolérer les subtilités. Les subtilités, c'est ce qui va nous permettre de raffiner le contact avec l'esprit. C'est pas brut. C'est pas massif. Tac, tac, tac, allô, c'est Dieu! Ouf! Ça marche pas comme ça. C'est comment? C'est. Il me semble que. Oui, c'est ça. C'est pas plus que ça. Au début. Mais on doit apprendre à aller là-dedans. Subtilité. Puis les subtilités vont faire en sorte qu'à un moment donné, vous allez comprendre les lois de la mécanique de manipulation. Ah, excuse-moi, ce que je voulais dire, j'ai été manipulé, c'est mon ego qui l'a dit. Ah, j'ai une bonne raison. Oui, mais c'est la raison. Les subtilités vont faire en sorte que progressivement, vous allez voir qu'effectivement, il y a bien des choses que vous savez qui sont vraies. Oui, mon œil qui a dit ça maintenant. Oui, dites-le. Mais c'est vrai. C'est vrai. Quand vos paroles ont dépassé votre pensée, c'est que ce n'est pas ça que vous vouliez dire. Non, mais c'est facile à dire. Mais c'est vrai. C'est ça. Donc, si c'est ça, c'est ça. Les subtilités vont faire en sorte progressivement qu'on va être capable de décoder la vérité chez quelqu'un, la réalité chez un autre, ou le mensonge. On va être capable de décoder l'intelligence au travers d'un être humain manipulé à exprimer des saloperies. Puis on va se plaire de son intelligence. On va être capable de faire attention à sa saloperie. On ne sera plus capable progressivement d'haïr. Parce qu'on va découvrir ce qu'il y a d'intéressant chez tout le monde. Et en plus, on va être capable de percevoir la subtilité à travers un langage. On va finir par parler le langage des oiseaux. Le langage des initiés. Pas le langage Kentucky. Non. Kentucky. Pas Kentucky, mais pas Kentucky, c'est ça. Ma mère, elle disait Kentucky, mais... Alors, progressivement, en développant la subtilité, on parvient... Tu sais, de temps en temps, Charles et moi, on s'amuse, on fait des farces qui sont subtiles, puis il y en a plein ici qui les comprennent. Comment pouvons-nous arriver à tenir un niveau de conférence énergisé, énergétiquement élevé, neuf, puissant, rapide, entrecoupé d'un paquet de farces? C'est parce qu'il faut qu'on soit capable de jouer avec les subtilités. Donc, on est capable d'être très, très haut, puis de voir encore qu'il y a du plaisir là-dedans, mais le plaisir n'est pas « c'est un gars qui rentre dans un bar ». Subtilité. C'est formidable pour parvenir au contact avec l'esprit, c'est essentiel. Ça va faire en sorte que vous allez lire des livres et subitement vous allez comprendre tout ce qui n'est pas écrit dans le livre. Que peut-être même l'auteur n'a jamais su. Oui, ça c'est... Le livre devient une forme de tarot. Hein? Ça va stimuler chez vous les choses que vous savez. Et l'ego va prendre comme raison d'apprentissage le livre. La subtilité va faire en sorte que subitement vous allez dire « Hey, c'est vrai qu'on est manipulé. As-tu vu comment elles sont toutes manipulées? » La subtilité va dire, « Je suis encore manipulé, là, regardez. Ouais, » on devient de plus en plus son seul maître. Plus besoin d'avoir un hétérodisciplinaire. On communique avec autrui, on ramasse de l'énergie, on crée des synergies. Plus on donne, plus les deux reçoivent. Quatrième loi, être capable de comprendre des subtilités. Très, très, très utile. Ça, ça se développe par la parole, par la lecture, par l'écriture, par les par ça quoi? Se développe, en tout cas. Comment on développe la subtilité? Voilà. Où est-ce qu'elle est déjà là et qu'on la développe, justement? Je vais faire un parallèle. Elle est déjà là. Pour développer la subtilité, il faut prendre l'ego, il faut prendre l'être humain. Il faut le mettre dans un bain de produits chimiques. Bon, accélère le développement. Quand ça commence à être pas pire, tu sors, tu te mets dans un autre bain. Pour voir si ça a fonctionné. Un révélateur. C'est ça, un révélateur. Bang, bang, bang, bang, bang. Et là, l'humain, qui est en train de voir la subtilité, là, il voit plein de choses révélées chez lui. Ah, j'étais comme ça, ah, j'étais laid, ah, j'étais de même, ah, j'étais pas ça, ah, j'étais pas... Il réveille la révélation, là. Là, à un moment donné, quand on a révélé suffisamment, on le place dans quelque chose pour la fixatif, un autre produit chimique. On le place là-dedans pour cristalliser ce qui vient d'être développé. Il va rester la subtilité. On va voir toutes les subtilités. Parce que quand on regarde... un film qui est exposé dans quelques fractions de seconde au soleil, pas grand-chose dessus, mais il y a quand même la photo. Alors, si on la développe, etc., on la révèle, on va voir la subtilité. Une fois qu'on l'a développée, bien là, maintenant, on peut la faire sécher, et ça se développe comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la pellicule, elle passe un mauvais quart d'heure. On développe la subtilité en passant un mauvais quart de siècle. En réalité, c'est un mauvais quart de million d'années. Bon. En vivant, on développe la subtilité. Progressivement, vous allez vous dire, ça y est, j'ai compris. Vous allez encore vous faire ramasser, oui. Parce que le piège est maintenant plus subtil. Vous le voyez maintenant, vous venez de développer votre subtilité. Et il y en aura un autre, et oui, vous allez encore développer votre subtilité. Et subtilement, vous allez finir par devenir subtil. Progressivement. C'est ce qui va arriver. C'est subtil, comme on le pense. Vu qu'ils ne sont pas capables de mettre de musique, alors, je sais pas s'ils vont me faire des six maigrés. Ah, je peux continuer, il me dit. C'est comme au cinéma, ça. Ah, ça tourne. C'est ça, j'en pense. Le réalisateur, là-bas, il me fait signe qu'on a encore cinq minutes. La cinquième loi pour la cinquième minute. Exactement. Une loi à la minute. La cinquième loi, elle est connue, elle est importante, elle est utile, elle est fondamentale. Et elle amènera l'humain au contact avec son esprit et elle amènera l'humain à beaucoup plus loin que le contact, c'est la transparence. On en a parlé suffisamment, là. Je vais résumer pendant 5 minutes. Non, mais la transparence, c'est extrêmement important. On revient encore à la transparence envers soi-même, c'est-à-dire que cesser de vous mentir. Et la sixième loi, c'est la capacité, vous devez parvenir à la capacité de vous écœurer sans jamais vous déprimer. Et ça, il y a une loi qui va vous aider, c'est celle d'être joyeux. Oui, mais j'en ai ras-le-bol, merveilleux. Mais déprimez-vous pas. Parce qu'en avoir ras-le-bol, ça va vous pousser à aller chercher du neuf. Vous déprimez, ça va détruire la base sur laquelle vous vous appuyez pour aller chercher le neuf. On ne doit pas se déprimer. Ça ressemble plus à choquer ou sans choquer égoïquement nécessairement, mais... Colère quand mentale, tu choques, quand tu fais une colère, justement, tu as plus d'énergie que quand tu fais une déprime, une dépression ou une... Oui, ça ressemble aussi à intelligencer les choses, mais une chose qui est évidente, c'est que écœurez-vous de ce qui n'est pas convenable, je pourrais presque dire de tout, mais déprimez-vous pas. Mais si tu t'écœures, t'es pas joyeux. Mais oui, t'es joyeux. Ça n'empêche rien. Tu peux être joyeux et écœuré. Oui, joyeux, écœuré, pas déprimé, subtil, vivant, ça. Transparent. Puis transparent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement, à un moment donné, qui êtes-vous? Quand je parle qui êtes-vous, je veux simplement que vous disiez, en réalité, qui vous n'êtes pas. Et ça, qui êtes-vous? L'humain qui avance dans l'air du poisson, donc à reculons, ne saura pas qui il est tant qu'il ne sera pas viré de bord. Alors, qui es-tu? Mais moi, je... L'humain va dire, finalement, je ne suis pas grand-chose. Savez-vous pourquoi on n'est pas grand-chose si on est transparent? C'est parce que tout ce qu'on voulait dire fait partie du passé. Vous êtes de la vie. Vous êtes vivant. Vous êtes, vous n'êtes pas de la mémoire. Alors, si on élimine, ben moi, je suis un médecin. C'est quoi un médecin cosmiquement? Ben, quoi? Ben, je suis... Je suis pas grand-chose. Et là, l'ego a peur. Et là, l'ego dit, ben oui, écoute quand même, t'es quand même un père ou une mère ou un... Non, si on regarde, être transparent, c'est d'être capable de se voir tel que nous sommes, tel qu'on est. Et avec les yeux de l'ego, on va voir quoi? Quelque chose de transparent, de diaphane. Quelque chose qui laisse couler l'énergie sans l'arrêter. Alors, pour l'ego, il va rien voir. Alors, je ne suis rien. C'est là qu'on commence à être. Pas à être quelque chose, à être. On s'est fait dire au début qu'on était de la poussière, on retournera en poussière. Et c'est vrai, c'est vrai. Notre tradition nous enseigne ça. On retournera la poussière. Vous êtes lumière et vous retournerez la lumière. C'est une question de point de vue. Qu'on est né pour un petit pain. Oui, mais c'est... Je parle avec ça qu'on fait des clubs sandwich. Mais on sait que manger trop de pain, c'est mieux de manger des petits pains. Ce que je veux dire, c'est que dans la tradition, toutes les images qu'on a eues, tout ce qu'on nous a enseigné, tout ce qu'on a appris, c'est d'être humble, mais humble dans petit. Et non pas humble dans puissant et... Oui, mais on comprend. La tradition, elle a bien fait la chose. Pour regarder ceci, c'est que l'évolution transcendantale, l'évolution qui va nous permettre de transcender le monde de la misère humaine, c'est une évolution verticale. Mais pour monter dans la ligne verticale, on partait d'ici, il fallait qu'on se rende jusque-là. Alors pendant des millions d'années, on nous a forcé à évoluer à l'avant. Évolution horizontale. Alors tu changes de religion, tu changes de sexe, tu changes de philosophie, mais c'est toute la même chose. Puis à un moment donné, tu arrives quelque part où là, c'est tout neuf. Là, l'évolution va se faire verticalement. Là, tu vas monter, tu montes en énergie, tu ne vas pas changer la coloration de ton énergie. Tu es rouge, tu es bleu, autre chose. Alors, on fait une pause de 15-20 minutes. Vous avez des questions, vous les écrivez, et puis Charles va les poser. Okay. À tout à l'heure.